Section 12, livre 2, chapitre 1 à 5. Chapitre 1. Yedo. Il est étonnant de voir avec quelle facilité le Japon s'est débarrassé de la puissante organisation féodale que les shoguns lui avaient donnée. Le Mikado, descendant des dieux locaux, était relégué dans sa capitale sainte, dans la ville de Kyoto, au milieu des temples, des parcs sacrés, entouré d'une cour de lettrés et d'artistes, gardé à vue par une ceinture de hautes montagnes qui le séparait des provinces japonaises. Les shoguns avaient abandonné Kamakura, où ils se trouvaient resserrés entre la mer et les rochers. Ils s'étaient installés à Yedo, ville industrieuse, située dans une plaine qui lui permettait de s'étendre et de grandir, desservie par un fleuve énorme, par de nombreux canaux et par la mer infinie. Sept collines naturelles, comme à Rome, dominaient la ville. La plus considérable fut fortifiée, entourée d'immenses fossés, et devint la résidence imprenable du grand ministre japonais. Les autres se couronnèrent de jardins et de temples. Des routes pavées à l'antique d'immenses blocs de granit mettaient cette capitale en relation avec le pays tout entier. Chaque province avait son seigneur, son daimyo, aux ordres du shogun, et grâce à ses chefs, le Japon suivait l'impulsion donnée sans cesse par le grand ministre militaire, par ce souverain de seconde catégorie. C'était au point que les étrangers, les Européens surtout, prenaient le Mikado pour un pape et supposaient que le shogun était l'empereur effectif. Les Coréens, les Hollandais l'appelaient Taikun, ce qui veut dire « grand seigneur ». Tout d'un coup, le Mikado se réveilla. Effrayé sans doute par les nouveaux principes d'une civilisation qui s'imposait, averti par l'arrivée des Russes, le débarquement des Américains, l'intervention des Anglais et des Français, il descendit de son Olympe et voulut prendre la direction des affaires. Ces idées nouvelles qui envahissaient le pays jusqu'alors fermé n'étaient possibles à ses yeux que présentées par une inspiration des êtres surnaturels qui président sans cesse aux destinées du grand Nippon. Il dit au Taikun « Il faut vous en aller ». Le Taikun résista, il fut brisé. Le ministre vaincu vit maintenant retiré dans ses terres de Shizuoka, remplaçant la guerre par la chasse et l'administration qui lui manque par l'organisation d'écoles nombreuses, préoccupation féconde du nouveau Japon. Le Mikado, en reprenant à son ministre les pouvoirs que des siècles lui avaient donnés, eut soin de profiter de la forte situation créée par les shoguns, et au plus vite, il vint s'installer dans le Siro, le château fort d'Yedo. Kyoto ne fut plus qu'une capitale hors de service. La vieille métropole fut autorisée à faire valoir ses droits à la retraite. Yedo devint la nouvelle ville impériale, et pour qu'on puisse bien constater le changement opéré dans le sort de ces deux cités, un décret supprima le nom d'Yedo et déclara que la résidence du Mikado s'appellerait désormais Tokyo, la capitale de l'Est, par opposition à Kyoto, la capitale de l'Ouest, Sai Kyo. De sorte que Yedo n'existe plus. Du jour au lendemain, la ville des Taikuns fut supprimée, rayée des cartes géographiques, rayée des décrets, rayée de l'histoire, rayée du monde. Mais Tokyo resplendit. Ne parlez plus à personne, dit Edo, on ne vous comprendra pas. On aura des airs étonnés, on vous fera répéter le mot comme si on l'avait mal entendu. Yedo, qu'est-ce cela? Où prenez-vous Yedo? Pourquoi parlez-vous d'Yedo? Personne ne connaît Yedo, vous confondez sans doute avec quelques villes des mondes étrangers. Cette suppression subite d'une ville importante déroute un peu les nouveaux venus. Les touristes, comme nous, qui ont pris la peine de se renseigner un peu sur le Japon avant d'y aborder, sont légèrement suffoqués de constater que personne ne connaît ici la capitale des Taikuns. On est tenté de supposer que, après les troubles politiques, la cité a été saccagée, rasée, brûlée peut-être, et qu'on a semé du riz sur son sol maudit. Alors on insiste, on précise, on cherche à désigner le grand centre de population tout près duquel Yokohama a pris naissance, et l'on apprend enfin qu'il n'y a eu ni ville détruite, ni incendie, ni pillage, mais un simple changement d'étiquette, modification officielle acceptée en une matinée par un peuple entier. Donc c'est Tokyo et plus du tout Yedo. Il est par conséquent bien entendu entre nous que toutes les fois que nous dirons Tokyo, ce sera Yedo. et que si nous ne disons pas « Yedo », c'est parce que c'est interdit, parce que c'est défendu sous les peines les plus sévères. Nous allons, si vous le voulez bien, faire une tournée à Tokyo. Chapitre 2. Chemin de fer japonais. Nous avions à faire à Tokyo, le lendemain de notre arrivée, des visites officielles, et nous étions un peu embarrassés pour nous diriger sans guide, sans interprète, dans ces régions inconnues par nous. Avez-vous remarqué que le hasard est parfois bien complaisant ? Notre ami M. P., de Lyon, entendant parler de notre projet d'aller à la capitale, nous apprend que, justement, il ira, peut-être, à Tokyo ce jour-là. Puis il s'informe du train que nous voulons prendre, car un chemin de fer relie Yokohama à Tokyo. Et à l'heure dite, M. P. se trouve, par hasard, à la gare. Pour bien comprendre l'importance de cette coïncidence, il est bon de savoir que M. P., je n'écris pas son nom pour ne pas trop le faire rougir, est un des Français qui connaissent le mieux le Japon. Il est de la catégorie des voyageurs qui s'imaginent que, lorsque l'on est dans un pays étranger, c'est une excellente occasion qu'on a là d'étudier ce pays. Or, cette catégorie, chose curieuse, n'est pas très nombreuse. Parmi les Européens qui séjournent dans l'Extrême-Orient, il y a ceux qui regardent, écoutent, apprennent, et puis ceux qui ne regardent pas, n'écoutent pas, n'apprennent rien. Ceux qui se mettent au courant de la langue, recueillent les légendes, étudient les mœurs, pénètrent dans les usages, se font des amis indigènes, s'abandonnent au pays où ils sont, et puis ceux qui veulent trouver partout leur langue, leurs meubles, leurs mets, regardent comme non avenus les habitants qui les coudoient, ferment les yeux au paysage, tournent le dos aux détails locaux et trouvent complètement ridicule tout ce qui n'est pas eux. Eh bien, ces derniers font la masse. C'est donc une chance heureuse pour nous d'avoir pour compagnon un représentant de la minorité. Le chemin de fer a un petit air coquet fort agréable. Les employés vêtus de coutil blanc sont élégants et distingués. Les wagons, un peu étroits, sont commodes néanmoins et communiquent les uns aux autres, comme en Amérique. Tout cela est propre et bien tenu. C'est un chemin de fer de salon. Ce fut un grand événement que le jour de l'inauguration de cette ligne. Le Mikado lui-même, le Mikado que personne n'avait encore entrevu, se révéla aux populations. Le dieu vivant semblait descendre du ciel tout exprès pour prendre le train. C'était comme un hommage solennel rendu par les anciennes traditions aux divinités nouvelles qui mènent le monde. La mythologie venait saluer la locomotive. Le shintoïsme consacrait les découvertes de la civilisation. On ne savait vraiment qui grandissait le plus dans cette fusion, l'Occident s'offrant à l'Orient ou l'Orient acceptant l'Occident. Avant cette étrange journée, le souverain caché dans son palais de Kyoto n'était vu par personne. De temps à autre, les grands du royaume se réunissaient devant une sorte de théâtre dont le rideau était baissé. Chacun prenait sa place suivant son grade, le grand ministre en tête, derrière le rideau, l'empereur était assis sur une montagne de coussins. Alors, on soulevait un peu le rideau, le premier ministre, placé en avant, voyait vaguement dans l'ombre un amas de riches étoffes, un pantalon et le bout des manches augustes. Les grands du royaume ne voyaient que le trou par lequel le grand ministre voyait le pantalon. Parfois, un brillant cortège traversait la ville, tous se prosternaient. Dans une chaise à porteurs grillée se tenait accroupi un homme dont on n'apercevait que l'ombre, quand par hasard le soleil venait du côté opposé. On assurait que cette ombre était celle du Mikado. Grande fut donc l'émotion quand l'empereur arriva en personne sur le bateau à vapeur qui l'amenait de Tokyo pour débarquer à Yokohama, la ville des étrangers, et monter dans le wagon réservé. Sa Majesté était coiffée de la mitre dorée, bonnet bizarre que seul le Mikado a le droit de porter. Sa robe de soie aux amples contours était d'un vert sombre, avec des bambous et des oiseaux brodés en soie brune. Les fonctionnaires étaient en robes et bonnets noirs. Le voyage se passa sans accident. Arrivés à la gare de Tokyo, la cour monta à cheval et fit ainsi sa rentrée au palais impérial. Ce fut du reste la dernière fois que le Fils du Ciel mit en public le costume japonais. Il adopta aussitôt les modes européennes. Ce qui n'empêcha pas que lorsqu'il retourna à Kyoto pour y faire une visite, les habitants de la ville sainte se prosternèrent frappèrent deux fois dans leurs mains comme on le fait devant les dieux, et même lui jetèrent des gros sous dans du papier blanc, ainsi qu'on en use là-bas avec les divinités. Si bien que l'empereur fut obligé le lendemain de promulguer un décret qui interdisait ces actes d'adoration réservés aux anciens dieux du pays. Le tracé du chemin de fer est des plus simples. Il ne s'éloigne guère de la mer et traverse un pays richement cultivé, parsemé de collines sacrées couvertes d'arbres séculaires, égayées par des petits hameaux aux toits de chaume et par de nombreux bois de bambou. De temps en temps, les grands matsus du Tokaido présentent tantôt à droite, tantôt à gauche, leurs silhouettes sombres, étranges, mouvementées et colossales. Dans les champs, des travailleurs à peu près nus, protégés des ardeurs solaires par de grands chapeaux de paille. Dans les chemins, des promeneurs, aux longs vêtements bleus, abrités sous l'immense parasol en papier huilé, qui fait dans le paysage des taches tentaculaires d'un jaune éclatant. Quand on aperçoit la mer, on y voit se presser les barques de pêcheurs. L'animation est partout. À chaque gare, de nombreux indigènes se hâtent de monter en voiture. La foule est bruyante et gaie. Les Japonais, qui de tout temps ont fort aimé les voyages et, sous prétexte de pèlerinage, trouvent moyen de connaître entièrement leur pays, les Japonais ont tout de suite adopté le chemin de fer. Ce moyen de locomotion n'a à leurs yeux qu'un défaut. Il est trop cher, car les voyages qu'on fait à pied à travers le Japon ne coûtent presque rien. Avant d'arriver à Tokyo, nous descendons à Shinagawa, vaste faubourg placé sur des collines qui dominent la mer. C'est là que d'anciens temples bouddhiques servent d'habitation à des légations étrangères. Les jinriki nous sollicitent pour prendre leur véhicule. Malgré la chaleur, nous irons à pied, car des choses intéressantes nous attendent sur la route. Chapitre 3. Les 47 fidèles. C'est d'abord le temple de Shingakuji où se trouvent les tombes des 47 fidèles, Ronin, qui sont devenus légendaires et que la pièce du fameux littérateur Chikamatsu Musaimon, XVIIIe siècle, a rendu célèbre. L'histoire mérite d'être racontée car elle est pleine de détails de mœurs fort caractéristiques. C'était en 1701. La cour du shogun se préparait à recevoir l'envoyé du Mikado qui venait tous les ans à Yedo apporter les ordres du souverain. Il était d'usage que l'ambassadeur impérial fût reçu au palais et servi par les jeunes seigneurs de la cour, et cela suivant des rites fort compliqués. Aussi le vieux Kira, le maître des cérémonies, était fort occupé à dresser ses élèves afin qu'aucune faute ne fût commise. Les Japonais ont emprunté aux Chinois ce goût exagéré pour la politesse et ce culte du cérémonial. Ils ont même dépassé leurs inspirateurs car pour eux, le caractère divin du Mikado ajoutait quelque chose de sacré à ces formules, et le fait de bien recevoir un délégué du souverain était un acte religieux. Kira attachait d'autant plus d'importance à l'étude de ces rites que d'ordinaire les jeunes seigneurs savait reconnaître ses bons conseils par des présents généralement faits en monnaie bien sonnante. Si bien que Kira, par amour pour la bonne exécution des cérémonies, était devenu intéressé, avare même, et quand il lui arrivait de se fâcher contre ses nobles disciples, on ne savait trop si c'était par horreur du sacrilège ou par sympathie pour les cadeaux. Or, un jeune daimyo, nouvellement débarqué à la cour, fut désigné pour prendre part au service de l'ambassadeur. Mais, mal renseigné sur les usages, il négligea de faciliter son éducation par la remise du présent obligatoire. Kira ne fut pas content. Il tâcha de faire comprendre au mal appris qu'il n'entendait rien à son rôle. Il le gronda, le molesta à chaque instant, le tourna en ridicule. Mais le pauvre Asano, c'était le nom du jeune homme, mit tout sur le compte de son inexpérience. Enfin, le grand jour arrivait et l'argent ne venait pas. Kira voulut frapper un grand coup qui put ouvrir les yeux de son élève ou tout au moins servir d'exemple aux récalcitrants de l'avenir. Le matin même de la réception, profitant d'un moment où tous les daimyo étaient rassemblés, il interpella Asano et lui adressa les paroles les plus outrageantes. Asano ne put se contraindre davantage et saisissant le plus petit de ses sabres, il en frappa Kira au front. Ce dernier se mit à fuir, poursuivi à travers le palais par le jeune homme, le sabre à la main. On parvint à retenir Asano par ses vêtements flottants. Ce qui était grave dans cet incident, ce n'était pas l'insulte du vieillard cupide, ce n'était pas l'attaque du bouillant jeune homme, c'était le fait d'avoir tiré le sabre dans le palais. Cet acte, contraire aux règles, contraire au respect qu'on devait au shogun, dominait la situation et devait être puni avant tout. On remit la réception à un autre jour. Asano reçut l'ordre de se retirer dans son yashiki, demeure seigneuriale, en attendant la punition de ses inconséquences. Il en s'occupa aussitôt du jugement. Le cas était embarrassant. On comprenait bien que c'était l'avide Kira qui avait tort, mais les rites avaient été violés d'une manière si manifeste qu'Asano fut condamné à faire son harakiri, c'est-à-dire à s'ouvrir le ventre, et ses biens furent confisqués. Lorsque les Kerai, hommes d'armes, du condamné, apprirent le jugement, ils s'affligèrent vivement et furent particulièrement exaspérés de voir que Kira, le promoteur de l'incident, restait impuni. C'est alors que se forma le fameux complot des 47 Rohonins, ou 47 fidèles, qui jurèrent de venger leur maître. Ils furent d'abord 49, mais l'un d'eux mourut avant l'exécution de la vengeance, et un autre disparut au moment de l'action. Les chroniques racontent en détail les difficultés qui s'opposèrent à l'accomplissement du terrible projet. Ces hommes devaient quitter leur pays, leur famille, leur état, se déguiser, se disperser d'abord pour détourner les soupçons, puis se retrouver, à un moment donné, prêts à la vengeance. Les uns étaient vieux, les autres trop jeunes. L'un d'eux ne voulait pas quitter son père, dont il était le soutien. Le père se tua pour lever tout scrupule. Ils étaient signalés, poursuivis, traqués, vivaient comme ils pouvaient, cherchant surtout à avoir des armes. Enfin arriva le jour choisi pour l'assassinat de Kira. C'était en plein hiver, il avait beaucoup neigé. Une chose à remarquer, c'est que les Japonais, qui enregistrent avec grand soin les faits historiques, n'oublient jamais de prendre note de l'aspect du décor où se passe l'action. Amoureux comme ils le sont des beautés de la nature, ils ne peuvent séparer le fait du paysage. De même qu'ils se souviennent des costumes que portaient les héros de leur chronique, ainsi que de la décoration des appartements où les événements ont eu lieu. Ce peuple artiste a mis son histoire en tableau. Il y a certaines vues de pruniers en fleurs, de brouillards sur les montagnes, de feuillages roussis par l'automne, qui sont fatalement destinés à encadrer des faits historiques devenus populaires autant par la beauté de la mise en scène que par l'intérêt des situations. C'est ainsi qu'un paysage couvert de neige indique presque toujours qu'il s'agit d'une scène de l'histoire des 47 fidèles. Donc, il neigeait. Les 47 hommes d'armes s'étaient déguisés en pompiers et semblaient courir à un incendie. Ils se précipitaient sur le pont cintré de Ryōgoku pour se rendre à l'est d'Yedo. Ils venaient d'en gravir la moitié et redescendaient l'autre moitié lorsqu'ils furent arrêtés par un officier du gouvernement à cheval. « Où allez-vous ainsi ?»« Nous sommes les fidèles d'Asano, » répondit poliment le chef, Ōsuki Kuranosuke. « Nous allons en grande hâte pour assassiner le vieux Kira, l'ennemi de notre maître. »« C'est très bien, mais vous ne passerez pas. » Les fidèles saluèrent et rebroussèrent chemin. Comme à cause de la neige, les rues étaient désertes, ils parvinrent cependant jusqu'à l'habitation de Kira, le tuèrent et emportèrent sa tête au temple de Singakuji où reposait le corps d'Asano. Chemin faisant, ils trouvèrent un puits. Ils y puisèrent de l'eau pour laver la tête qu'il fallait présenter convenablement. Ils l'enveloppèrent dans une étoffe de soie. Pendant l'opération, un des fidèles, accroupi, tenait avec respect sur une tablette portative la stèle funéraire d'Asano et la lame du sabre qui avait servi à son harakiri, le même sabre dont la pointe avait le jour de l'insulte effleuré le front de Kira. Enfin, ils présentèrent solennellement devant le tombeau la tête coupée, puis allèrent se livrer à la police. Tous furent condamnés à s'ouvrir le ventre, et leurs 47 tombes furent placées à côté de celles d'Asano. Ce sont ces monuments que nous allons visiter. Les fidèles et leurs maîtres reposent dans un petit enclos à l'ombre d'arbres gigantesques, chaque tombe a la forme d'un sip carré et porte le nom du défunt. Deux tombes furent ajoutées aux 47 dont je viens de parler. On enterra là un marchand d'Yedo qui protégea les Rohonins et leur procura de l'argent et des armes. La 50e tombe est celle d'un enthousiaste. Il y a 40 ans, un visiteur contemplait le petit cimetière où l'on a enseveli tant de courage et tant de dévouement. Tout d'un coup, le visiteur, pris d'un beau mouvement, tira son sabre et, en signe d'hommage, s'ouvrit le ventre devant les cippes funéraires. On le mit à côté des autres. Sur le bord du sentier qui mène au cimetière, M. P. nous fait voir une source claire abritée sous les bambous. C'est le puits où fut lavée la tête de Kiran. Chapitre 4. Comment on écrit l'histoire au théâtre. Les Japonais étaient encore sous l'impression de ce tragique dénouement lorsque Chikamatsu Musaimo, un des premiers littérateurs de l'époque, eut l'idée de transporter sur la scène l'épisode des Rônes. Mais la censure fit observer « Et quoi ? La censure ? Il y a donc une censure même au Japon ?» Du moins, l'histoire raconte qu'à cette époque, il y avait au gouvernement une direction de l'esprit littéraire. Cette direction fit observer que la famille d'Asano et celle de Kira pourraient trouver mauvais de se voir donner en spectacle, que cela pouvait réveiller de vieilles haines à moitié assoupies, que cette tentative littéraire était dangereuse et que finalement l'auteur ferait bien de renoncer à son projet. Mais la direction littéraire fit remarquer d'autre part que le théâtre japonais avait pour but d'entretenir les idées de dévouement pour les daimyo, que toutes les pièces historiques ou prétendues telles représentaient toujours des scènes de serviteurs sacrifiant leur vie pour leur maître, que l'épisode des Ronin était parfaitement dans l'ordre d'idées recommandées, et que si l'auteur voulait conserver son sujet en changeant les noms, l'époque, les costumes et un peu le sujet, la pièce serait autorisée. Chikamatsu Musaimon suivit ce conseil. Il changea costume, époque et nom, modifia la cause de l'insulte, mais le public sut retrouver à travers les embellissements littéraires le terrible fait divers qui le passionnait encore. Indépendamment de son mérite, la pièce répondait admirablement aux aspirations des Japonais, âpres à la vengeance. Elle était une protestation contre la loi qui punit, en faveur du sentiment général qui encourage. C'est une honte au Japon de ne pas se venger, quoi qu'il puisse en coûter, et l'on s'y trouve dans cette singulière situation de choisir entre le code qui interdit le crime et l'usage qui l'ordonne. Qu'on se figure, pour bien comprendre, un pays où le duel serait défendu, mais où il serait souverainement déshonorant de ne pas se battre après une insulte. La pièce des 48 fidèles eut donc et a encore un grand succès. L'auteur a placé l'action au milieu des guerres civiles qui troublèrent le Japon au XIVe siècle. La dynastie du Sud, la dynastie légitime, vient d'être vaincue. Moronoo, administrateur du temple d'Achiman à Kamakura, aime la femme de Enya, la belle Kaoyo, qui a toujours repoussé ses hommages. Au théâtre, il fallait un amour, un rôle de femme était nécessaire, l'auteur l'a bien compris. Moronoo profite de ses prérogatives pour mander au palais l'homme que lui préfère la belle Kaoyo et accable d'outrage le malheureux mari. Enya tire son sabre, comme Asano, et poursuit l'insulteur à travers le palais. Ce crime de lèse-majesté shogunal est puni. Enya fait son petit harakiri. Ses serviteurs, au nombre de 48, organisent la vengeance, assassinent Moronoo, etc., etc. C'est la même succession de faits que dans l'histoire vraie. Seulement, tous les noms sont changés, excepté celui de Ōisuke Kuranosuke, le chef des conspirateurs, qui a été conservé. Comme si, dans une pièce du temps de Louis XI, on avait introduit le nom de Charlotte Corday. Pourtant, au théâtre, toujours pour éviter les mouvements populaires, on prononce Ōboshi Uranosuke. Cela suffit pour calmer dame censure. Chapitre 5. Ce qui prouve que tout le monde ne porte pas les mêmes lunettes. En laissant le temple de Singakuji, nous suivons un petit chemin qui monte à travers le faubourg. Tout est intéressant pour des nouveaux débarqués et nous ne cessons d'admirer la disposition ingénieuse des habitations ouvertes à tout vent. Nous voyons de nombreuses boutiques dont la plupart sont occupées par des marchands de bric-à-brac. On nous avait bien dit que le Japon était le pays du bibelot et de la curiosité. Mais je ne pensais pas que sur 10 marchands, il y avait 9 antiquaires. Dans une de ces maisons sans mur, une petite fille prend une leçon de déclamation. Le professeur, qui est une jeune dame, est accroupi devant l'élève. Sur une petite table, un livre est ouvert, tourné du côté de l'enfant, qui suit attentivement. La maîtresse, scandant les phrases du bout de son éventail dont elle frappe la table, récite avec emphase, tantôt élevant le ton, tantôt parlant en notes graves, soulignant les aspirations, appuyant sur les consonnes fermées, faisant moduler la voix presque comme un chant. Nous sommes arrêtés à 2 pas de la scène. Mais notre présence ne trouble ni l'attention de l'élève, ni le débit de la maîtresse, qui nous a bien vus du coin de l'œil, mais redouble d'ardeur, pensant avoir un public de connaisseurs. Tout émerveillés de ce commencement de promenade, nous arrivons chez une des personnes que nous avons à voir. Nous comptons beaucoup sur cette visite pour obtenir les renseignements nécessaires aux études que nous devons faire. Il nous faut des autorisations spéciales pour pénétrer dans les bonzeries. Il nous faut des interprètes intelligents. Il nous faut surtout des conseils pour nous diriger dans nos recherches. C'est du moins ce que nous expliquons à notre compatriote, mais il n'a pas l'air de bien comprendre que nous ayons fait tant de chemin pour si peu de choses. Étudier les religions du Japon, vous n'y arriverez pas, c'est moi qui vous le dis. D'abord, les prêtres n'y comprennent rien, tous ignorants, crasseux, ladres. Et s'ils savent quelque chose, ils ne le diront pas. J'ai essayé, moi qui vous parle, et je n'ai pu arriver à rien ainsi. Désarçonnés du côté de la science, nous nous raccrochons à l'art. Régamet insinue qu'il pourra au moins faire des croquis. Du dessin, de la peinture ? Mais vous ne venez pas au Japon pour cela. C'est un pays terne, sans lignes, sans horizon. Les maisons sont noires, les vêtements gris, les femmes laides, les hommes hideux. Prenez le bateau qui part samedi prochain. Il vous mènera en Égypte, en Italie. C'est là qu'est l'art. Pour Dieu, quittez le Japon. C'est un pays sans couleurs. Encouragés par ces théories, nous nous sauvons au plus vite et nous retombons dans ces rues étranges, ensoleillées, animées par les habitants aux vêtements gracieux. Mais nous n'osons plus regarder, honteux de nous être laissés prendre à un charme qui n'était sans doute que l'étrangeté. Voici pourtant un paysage qui aurait son mérite, si nous étions dans une autre contrée, en Italie par exemple. Devant nous, en plein soleil, la route s'élargit et aboutit à un pont gracieusement recourbé. À gauche, le long d'un canal, se développent les sombres murailles du Niashiki. À droite, la montagne escarpée de Shiba avec ses pentes couvertes d'arbres séculaires. À ses pieds, sur le bord du canal, s'étagent de nombreuses maisons de thé aux terrasses élégantes suspendues sur des pilotis qui dominent les profondeurs. Certes, le tableau est complet et Récamet prendrait bien ses crayons. Mais il est inutile de se laisser aller à des impressions décevantes. Le Japon n'a pas de ligne. Nous avançons. À l'intersection de plusieurs chemins qui se perdent dans les arbres, à droite et à gauche, nous apercevons une vaste pièce d'eau traversée par un pont de pierre et couverte d'énormes lotus roses. C'est la première fois que je vois cette plante invraisemblable, qu'on se figure le nénuphar grossi à la loupe et teint au carmin. Seulement, au lieu d'avoir, comme nos plantes d'eau, cet aspect de faiblesse qui fait nager la fleur et aplatir la feuille, le lotus mystique du Japon s'élance hors de l'eau. Ses larges coupes roses à cœur blanc s'épanouissent au haut des tiges vigoureuses. Son élégant feuillage, aux nervures accusées, s'arrondit à 1 mètre de la surface liquide, formant des vasques de jaspe vert. C'est élégant et fort, suave et noble, brillant et sain. Tout auprès est une maison de thé. Un abri sous lequel on a installé une sorte de basse estrade recouverte de nattes. Sur ces tables tapissées, les Japonais s'accroupissent ou s'étendent comme les anciens Romains lorsqu'ils voulaient manger. Un jeune garçon est justement couché sur le ventre, le torse relevé, appuyé sur les coudes. De temps à autre, ses mains ou ses pieds nus se lèvent ou s'abaissent par un mouvement machinal qui permet de constater la finesse et l'élégance de ses extrémités. Il cause avec une jeune fille, étendue également à côté de lui. Voyant que nous désirons nous arrêter, il fait un signe à sa petite camarade, qui se relève aussitôt, nous salue et vient à nous d'un air souriant. C'est la servante de l'établissement. Sa figure est charmante, malgré le soin qu'elle a pris d'exagérer sa coiffure, de se mettre du blanc sur le cou et 2 points de vermillon sur la lèvre inférieure. Elle porte une robe à fond blanc sur laquelle volent des papillons bleus. Une large ceinture de crêpe rouge enveloppe sa taille et se combine avec une bande de crêpe violet vif. Ses pieds nus sont chaussés de lourds guettas en bois, et ses bras, nus aussi, sortent des longues manches qui lui servent de poche. Elle nous sert une infusion de fleurs de cerisier conservées dans du sel. La fleur nage dans l'eau bouillante au milieu de la petite tasse en porcelaine bleuâtre. C'est charmant à voir, atroce à boire. La jeune fille rit et veut causer. Mais voyant que nous ne comprenons pas, elle cherche à nous amuser par d'autres moyens, et au Japon, les moyens de s'amuser sont nombreux. Voyez plutôt, Elle nous apporte de petits gâteaux très légers, et comme nous faisons mine de les croquer, elle part d'un éclat de rire, et sa main fine nous les arrache des doigts. Ce sont des gâteaux des poissons. On les jette au milieu des lotus. On frappe dans ses mains pour que les gourmands aux écailles d'or accourent et les fassent sauter sur l'eau. C'est très gai. La gracieuse enfant lance ses gâteaux, agite ses mains avec un petit bruit sec, et penchant la tête de côté, sourit comme si elle comptait plus sur ses attraits que sur les gâteaux pour attirer les poissons. Les poissons sont-ils venus? Je ne sais. J'étais comme pétrifiée par cette apparition de fillettes fraîches et gaies, de robes aux papillons bleus, de lotus roses et de verdure sur l'eau. Réganet ne perdait pas son temps et dessinait tant qu'il pouvait. J'aurais trouvé la scène ravissante, mais je retenais mon enthousiasme qui n'était certainement qu'un effet d'imagination. Car le Japon n'a pas de couleur. Fin de la section 12.